On voit que le temps passe et qu'on prend de l'âge, que les barres de nos vies se cassent et qu'on prend le large. On a tous gardé l'œil sur l'horizon, sans savoir où l'on va et ce qui nous reste, c'est la raison. Certains se disent, arrête le bise, stop les bêtises. La conscience officialise et la droiture se légalise. D'autres foutent le tel bois, tel mort jusqu'au cou, tellement qu'il n'y a pas de marche arrière, même s'ils le voulaient vraiment sereinement. Certains avancent, tentent leur chance vainement, comme si leur vie leur déclarait leur date d'enterrement. Perdu sans repère, on nous ken et qu'est-ce qu'on récupère? On prie pour les âmes en paix et respect. À mon avis, certains ont fait leur chemin en fondant une famille, pendant que d'autres tiennent les murs. En se contentant du RMI, claquer son fric au PMU. À mon avis, certains ont déjà fait le tour de la carambar, pendant que d'autres pourrissent leur vie en étant au placard. À mon avis, certains ont perdu leur vie bêtement, pendant que d'autres ont le souci de faire rentrer de l'argent. Combien de jeunes de nos jours seraient prêts à niquer l'argent? On voit que le temps passe et qu'on prend de l'âge, que les barres de nos vies se cassent et qu'on prend le large. On a tous gardé l'œil sur l'horizon, sans savoir où l'on va et ce qui nous reste, c'est la raison. On voit que le temps passe et qu'on prend de l'âge, que les barres de nos vies se cassent et qu'on prend le large. On a tous gardé l'œil sur l'horizon, sans savoir où l'on va et ce qui nous reste, c'est la raison. Qui croirait à mon âge? Je rapperai toujours avec la race. Si je perce un jour, je garderai toujours la même image. Mais qui t'a dit mon vieux? Je laisserai mon gosse dans ce village. Je laisserai le taf pour être près de ma mère. Mais depuis tout petit, j'essaie de sortir de cette merde. Mais qui croirait à mon âge? Comment rapper tes dettes? Même en 2007, personne me donnerait de l'aide. C'est des raisons qui me donnent envie de baiser le système. À mon âge, gravis les marches, pas de tapis rouge, trop de cinéma. C'est le festival des mecs qui se cannent dans l'anonymat. Mat, c'est doyen atteint de la maladie de Luther. Bonbon, sans rester éternellement des enfants. Enfin, une poignée de vaillants tente de s'extirper. Les dés sont bipés et l'avenir me fait flipper. J'ai vu des anciens soldats et des jeunes gens devenir junkies. Anciennement la tête haute, aujourd'hui tête passée péquille. On voit que le temps passe et qu'on prend de l'âge, que les barres de nos vies se cassent et qu'on prend le large. On a tous gardé l'œil sur l'horizon, sans savoir où l'on voit et ce qui nous reste, c'est la raison. On voit que le temps passe et qu'on prend de l'âge, que les barres de nos vies se cassent et qu'on prend le large. On a tous gardé l'œil sur l'horizon, sans savoir où l'on voit et ce qui nous reste, c'est la raison. Narbé garde l'œil sur l'horizon, mon discret garde l'œil sur l'horizon. Peu importe la saison, ouais, nous gardons l'œil sur l'horizon. Demande la jolie à la soli, on garde l'œil sur l'horizon. On garde l'œil sur l'horizon. On garde